qu'il en soit, dis-toi que le combat continuera jusqu'à ce qu'il reconnaisse. IPHJ, la pièce maîtresse, mais laisse. Progresse les mecs de Death qui jamais ne cessent de représenter, d'honorer leur patrie. J'cris, décris, or les choisis vitri, les jeunes du ghetto. Toujours d'assaut que se resserre les dos, jamais ne baisse les bras. Non, jamais. Le combat continue, c'est deux. Certains diront par mauvaise foi qu'ils s'attendaient à mieux. Mais qu'ils sachent que de leur part je m'attendais pas à mieux. Et que même s'ils jouent le double jeu, la rage se lit dans leurs yeux. Mais place à ceux qui ont su rester consciencieux sur une mission. Les mecs pressés sous pression, qu'on suspendre et patient. Si le temps reste que l'ami de la réussite, l'idéal va faire mal. En 9-8 explose les hits. Là tout de suite, c'est casse à tous les blocs de béton. Banlieue sud, est, ouest, nord. Adepte d'un son hardcore. Hardcore, car hardcore est ta vie. Hardcore sont les keufs et les lois. Dans ce pays où se vit, sévit. Sans concession, je dénonce les choses. C'est chose, car je sais que le peuple gardera la juste cause. En mission, narrateur des derniers temps, nous ouvrons les yeux des nôtres avant Armageddon. Danger imminent, danger constant. Quand les temps sont au bain de sang, solidement nous restons. Pour le I intelligent, pour le J débrouillard, pour le OTT tête armée. L, lucide et borné, bande de bâtards. Prenez position de combat, mais tout comme moi, maintenez là, et faites preuve de votre foi en attendant que cette putain de roue prenne la peine de tourner. Sachez que baisse mieux celui qui baisse le dernier. Langage cru direct, mec de rue en fait. Tu peux pas tester ni corrompre principe et précepte. Accepte qu'indéfiniment, définitivement dédié à sur mes arrières, mes devants pour longtemps. Et à mes côtés, c'est posé à mes côtés. Bacardi, Rocco, si Freddy, Magdadi, Kerry. Là, tu as devant toi 4 mascars de Tessie. Le groupe c'est idéal et la famille c'est mafia qu'un prix. Avec ce son, je fais mon entrée sur le ring. Je sens que mes forces se multiplient. J'aime cette mélodie, j'en fais mon hymne. Les années passent et personne ne nous a eu. Trop du cul, t'es prévenu. Le combat continue. Le combat continue. Quoi qu'il en soit, dis-toi que le combat continuera. Comme la saga. Reconnaisse. IPHJ, la pièce maîtresse, mais laisse. IPHJ, la pièce maîtresse. Jamais ne cesse de représenter, d'honorer leur patrie. Je décris, écris. Or, les choix, si vite, les jeunes du ghetto. Toujours d'assaut qu'on se resserre les dos. Jamais ne baisse les bras. Consomme avec attention. Quoi qu'il en soit, dis-toi que le combat continuera jusqu'à ce qu'ils reconnaissent. IPHJ, la pièce maîtresse, mais laisse. J'arrive avec le flow qui va causer des ravages. J'entame un deuxième couplet, là je fais un putain de carnage. De sage, j'aime mettre le personnage qui s'engage. Si pour ou contre toi, mais garde le cap même pendant quel rage. Toi ton âge, veille ta conscience sur l'engrenage. Qu'entraîne le système sur ce mat, ton entourage. Et constate que la rage a rongé les tiens. Je le sais, parce que la rage a rongé les miens. Mais moi je fais un rêve, faut pas que je cède avant que je crève. Lorsque ma voix s'élève, l'âme cède et ton bras se lève. Lève le bien haut afin que le combat continue. Lève le bien haut, je représente les gars de la rue. Les obstacles je les franchis, à la hippie la franchise. Si aujourd'hui j'en chie, si je paye de ma franchise. Laisse ma franchise, elle est innée. Tout comme ceux dont inné, dont j'ai hérité. Au MIC, mais j'ai pas sucé. J'ai pris contact avec plus d'une major. Mais celle s'avère être incapable de grave mon son hardcore. Hardcore, hardcore comme ta vie, retiens bien cela. Et puis, quoi qu'il en soit, on continue le combat. Idéal, à l'épreuve du temps et des balles. Nous on a déjà tout mis en œuvre afin de rester original. Nouvelle EP, nouvelle bombe, de suite les têtes tombent. C'est vrai que ça fait 8 ans qu'on déchire dans l'underground. Inutile de feinter, j'ai shooté désormais. Le deuxième album marque la fin, carrière même développée. Nouveau M6 prend 7 en route pour la gloire s'il savait. La sueur, les larmes et le sang versé pour le respect de mes idéaux. On combat le idéal. Voir changer ses amis autour de soi, ça fait mal. Mais c'est pas au singe que t'apprends la grimace. Je garde mes amis près de moi et mes rivaux encore plus près, hélas. À part nous ceux qui m'entourent, qui sont des frères. Si j'ai 6 beaux amis, j'ai plus de 30 millions d'amis. Garde les armes sur mon poids. Tu ne profiteras de ma réussite que si ce n'est moi qui tiens vite. Je me fous de l'idée que les radios donnent du rap. Celui qui baisse le dernier à ce qu'il paraît. J'attaque, contre-attaque pour ma patrie, me démarque, laisse mes marques. J'ai agi, le combat continue. Quoi qu'il en soit, dis-toi que le combat continuera. Comme la saga. IPHJ, la pièce maîtresse, mais laisse progresse les mecs de Death qui jamais ne cessent d'honorer leur patrie. Décrit, écrit, or les choisis vite, or les choisis vite. Toujours d'assaut qu'on se resserre les dos, jamais ne baisse les bras. Non, jamais. Sans rester consensuel, quoi qu'il en soit, dis-toi que le combat continuera jusqu'à ce qu'ils reconnaissent. IPHJ, la pièce maîtresse, mais laisse progresse qui jamais ne cessent de représenter, d'honorer leur patrie. On continue le combat, quoi qu'il en soit. un assassin.